La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche Pascal 2019. La Croche-Oreille, votre émission entièrement dédiée aux arts sonores, aux musicalités insolites, aux créations audio sympathiques pour l'oreille et pourquoi pas pour l'écoute en agréable compagnie. Alors, je vous propose ce soir en reprise une balade sonore sur l'autoroute 20, une balade réalisée par Ariane Plante dans le cadre de l'événement Truck Stop, un projet d'art visuel organisé et présenté par l'œil de poisson ici à Québec et le Centre Clark à Montréal à l'été 2017. Pour se rafraîchir la mémoire, Truck Stop a regroupé les œuvres d'une quinzaine d'artistes aux pratiques multiples, tout ça présenté en divers points de l'autoroute 20 entre Québec et Montréal. On y retrouvait des sculptures, des installations, des photographies et des œuvres sonores intégrés à de nombreux espaces publics, des haltes routières, granges, silos à grains et j'en passe. Parmi tous ces artistes et projets foisonnants, Ariane Plante a créé pour l'événement une trame sonore équivalent à la durée du trajet Québec-Montréal, une piste longue durée qu'on pouvait à loisir télécharger sur le site de l'événement Truck Stop et écouter à son rythme dans la voiture de manière à augmenter sur le plan sonore l'expérience artistique du projet dans son ensemble. Alors intitulé « Ici jaillissent les oiseaux », le parcours sonore d'Ariane Plante est une traversée poétique et autobiographique qu'elle a réalisée à partir de sonorités enregistrées sur le terrain, mélange savant de paroles intimes, de conversations publiques et de tonalité animalière. Alors, je l'ai reçu en entrevue en janvier 2018 et on écoute ça ce soir en reprise. Alors, retour sur un très beau projet sonore, « Ici jaillissent les oiseaux » d'Ariane Plante. Ne dorme jamais. au départ, je cherchais vraiment comment je pouvais, moi, par l'entremise de ce qui m'intéresse dans l'art sonore, traduire cette espèce de traversée entre Montréal, entre Québec et Montréal, par une pièce sonore, puis comment je pouvais, puisque c'était une invitation à faire des œuvres dans l'espace public ou dans l'espace qui a, du parcours entre Québec-Montréal, je me disais, est-ce que je fais une station fixe et tout ça? Donc, j'ai finalement décidé d'occuper l'espace de la voiture pour celui qui fait la traversée en voiture et d'occuper toute la durée de cette traversée-là, donc de faire une pièce de 2h30 qui allait accompagner le voyageur tout le long de son parcours, dans le fond. Donc, au lieu d'être dans les espaces publics, les haltes routières ou les lieux qui bordent l'autoroute 20, je m'immisçais dans l'habitacle de leur véhicule ou dans les casques d'écoute de leur iPod pour ceux qui le font en autobus. Donc, c'était un peu une manière différente d'aborder le parcours. Marvelous. Je suis enchantée. Ça me bénite. Bénite. Astana, les pneus. C'est ça, Guillaume Pimon, c'est vraiment perdu pour vrai. On savait plus on était où. Puis là, on voulait s'en aller vers l'ouest, puis on s'en allait vers l'est, puis après, on voulait s'en aller vers le sud, puis on s'en allait toujours vers le nord. On recroisait toujours le même village. C'était toujours Sainte-Monique. Là, on dit, OK, on... Jamais vu là-bas. Non plus. La belle québécoise. C'est cool. J'ai plein. Tu montes sur le tour aussi, hein? 3h44. En campoune. Ah. Même prix. Ah, oh, c'est moi qui paye. Attention, il y a un diesel. Faut pas prendre le diesel. C'est Chris, non. J'ai ça, ça n'est pas. T'as fait ça? Je le mets dans ma poche? Ouais. Bon. Je vais spotter quelqu'un. Je vais le suivre. Tu peux le prendre? Tu payes les chips. OK. Je les aime toutes. Okay. Sauf les ordinaires. Tu pensais qu'elle allait dire sauf eux autres. Le petit reçu? Ouais. Et voilà. Merci. Oh, pardon. L'essence poste 1 avec petit lave-glace. Le titre deuxième est 1,99. C'est 2 non. Pour 7,98. Non, merci, non. Ça va. 68,50, c'est parti. as-tu reçu? Oui. Et voilà. Merci. Pas passé grand chose. C'était ouvert? Oui, les gens commençaient à venir s'installer sur le bord de la vin. C'est quelque chose. C'est celui avec un arc-en-ciel? Ouais. Oh, le rêve! J'avais pas un plan de travail fixe. J'avais identifié différents lieux où j'avais envie d'aller, où j'avais envie d'aller enregistrer des sons. Mais l'idée, c'était de le faire de manière très spontanée. Et ma première idée, c'était moi de parcourir le trajet à pied. Mais finalement, pour toutes sortes de raisons, j'ai décidé de le parcourir de manière assez spontanée, aléatoire, de rouler puis de dire « Ah, ça fait longtemps que je suis intriguée par ce lieu-là, j'arrête, je sors mon appareil d'enregistrement puis j'enregistre de manière spontanée. » Donc, je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, ça n'a pas été d'un coup une traversée. C'est lors de plusieurs déplacements, plusieurs allers-retours où j'ai enregistré des sons dans une halte routière, une cantine, chez Michel Prince Antiquité. Je suis allée au Madrid 2.0. Après ça, je suis rentrée chez Ben Lallen. Et j'y allais de manière très spontanée. Puis même une fois, j'ai pris une sortie que j'avais jamais prise. Je me suis dit, ah, c'est quoi la campagne qu'il y a là, Saint-Léonard d'Aston? Puis je me suis perdue dans la campagne. C'était le printemps, j'ai croisé des oies sauvages. Donc, c'est tous ces instants-là, un peu d'errance, que j'ai cristallisé dans cette pièce-là. Bonjour. Allô, allô, allô, bienvenue. Merci. Ben non, je faisais un petit tour. Ouais. Je passe souvent, puis oui, je t'ai jamais arrêté. C'est animal, en fibre de verre ou en peau, d'animaux transformés en mitaine ou en coussin ou en imagination. On l'invente. Si on n'est pas seul à l'inventer, on va chercher l'idée de d'autres, puis on les met en deux, puis on fait... Puis c'est vous qui faites tout ça? Ben moi, maintenant, je travaille avec les vieux. OK. Les jeunes sont pas aussi très bien. Quand tu mets tes mains. Ah oui, ça, c'est quelque chose. Hein? Quand on est frileux l'hiver, c'est surtout les gens parce que c'est, en quoi, c'est ça? Du castor. Ah oui. Puis en dedans, c'est du mouton? Mouton. Alors nous, on est mandatés pour tuer les castors qui font des dommages aux fermiers. OK. Quand ils font des borages, l'eau monte, puis tous les récoltes de blé d'Inde, d'avoine, de blé ou de soya, le castor, il les nomme pour aller chercher dans sa hutte. Le blé d'Inde, lui, c'est pas que le cultivateur il a assumé un champ complet, mais lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'est-ce qu'il voit alentour, puis oh, tiens, pour mes petits, il va être bon pour un an. Ah. Avec le champ qui est alentour. Nous, on arrive avec une 22, un fusil, là. Puis cultivateur vient avec sa pépine, son tracteur, puis il défait le bordage. Parce que l'eau qui noie un champ de récolte, c'est à peu près 50 000 piastres. Mm. Fait que 25 piastres, tu es un castor. C'est chiant un peu, là, hein? C'est la vie. Il y a peut-être des petites filles comme toi qui sont sensibles et qui ne veulent pas qu'on les use, là. Mm. On se ramasserait peut-être avec 3000 castors à l'entourement, madame. Le castor, il ne veut pas que tu manges. Il se ramasserait tout chez vous parce que tu protégerais le castor. Le sommeil ne viendra pas à moi. Moi aussi, je suis là. Je suis étonné. Je suis là avec deux N et avec un seul N. Maya est pas là. Même Maya est grecque. fenêtres de ces gens-là. CKRL. Communication. Culture. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur les ondes CKRL 89.1, Gaëtan Gosselin à l'antenne. On accueille ce soir Ariane Plante qui nous présente « Ici jaillissent les oiseaux », cette traversée sonore de l'autoroute 20 qu'elle a créée pour l'événement Truck Stop, un projet présenté, réalisé par l'Œil de Poisson de Québec et le Centre Clark de Montréal à l'été 2017, il y a déjà deux années. C'est un projet qui regroupait les œuvres d'une quinzaine d'artistes en divers points de l'axe routier qui relie Québec et Montréal. Ariane Plante développe depuis quelques années un projet artistique qui combine le son, la vidéo et l'installation. Et ce projet, Ici jaillissent les oiseaux, est un projet remarquable. Alors, on écoute en reprise ce soir la suite de cette entrevue qu'on entamait en première partie, une entrevue qu'elle m'accordait il y a plusieurs mois. Oui, en fait, c'est qu'avec un ami, j'ai emprunté des micros binauraux, donc qui sont faits pour capter la réalité un peu de la même manière qu'on l'entend avec nos deux oreilles. Donc, faut placer des micros chaque côté de notre tête. Puis, donc là, je me mettais une tuque sur la tête avec un micro à gauche, un micro à droite au niveau des oreilles. Ça avait l'air de des petits pompons. Les gens se rendaient même pas compte que j'avais ça. Puis là, j'allais dans les lieux. Je rentrais dans la cantine. Le monsieur me parle. Je m'achète un fromage ou je ne sais quoi. Le monsieur me parle. Puis je le capte ce moment-là. Puis lui, il se sent pas enregistré. Puis je me sens pas intrusive parce qu'on n'entre pas dans... C'est vraiment un passage. Donc, j'ai fait la rencontre du monsieur de la cantine et je suis allée au camping Sainte-Madeleine qui m'intriguait depuis que j'étais enfant. Et je suis entrée là au début de la saison. Les gens commençaient à s'installer et on s'est baladé dans le camping Sainte-Madeleine sans parler, en captant juste tous les passages, tout ce qu'on traversait, des bribes de conversation, un chien qu'on croise, un ruisseau, des oiseaux, l'autoroute. Donc, tout ça d'une manière très naturelle, organique avec l'environnement, comme on l'entend avec nos oreilles humaines. C'était un peu cette idée-là de la rencontre tout le long de la Vingt, c'est que des lieux que j'avais jamais explorés prenaient soudainement des formes nouvelles là, dans mon imaginaire même. prends alors le chemin du retour vers la maison. Je prends toujours les mêmes chemins. Sous les fenêtres de ces gens-là. À la commissure des montagnes naît une vallée, une falaise, une route peut-être. Je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté. Vide, devant le trouble. J'aimerais savoir ce qui se cache derrière la butte à l'ouest, sous l'horizon rutilant de soleil. Peut-être un village, blotti contre une falaise, comme au creux d'une main. Le titre du projet, c'est « Ici jaillissent les oiseaux ». Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre-là? En fait, c'est j'avais lu un texte de Chantal Neveu, un livre de poésie qui s'appelle « La vie radieuse ». Puis le livre se parcourt, c'est vraiment une traversée. Puis des fois, dans une page, il y a un seul mot, et là, tu tournes la page, puis il y a un autre mot. Puis, donc ça fait, il y a vraiment, les mots émergent, les images émergent, puis il y avait quelque chose qui évoquait cette idée de la présence de l'oiseau à cet endroit-là. Il y avait un groupe de mots sur deux pages, puis j'ai trouvé ça magnifique. Alors j'ai cherché à faire une extension de cette idée-là par un peu les mots qui animent ma poésie, entre guillemets, parce que je trouvais que ça représentait vraiment cette idée de spontanéité où on se retrouve dans un lieu, il advient un événement inattendu, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Puis pour moi, c'est cette idée de jaillissement et ce rapport-là aux oiseaux qui est très présent dans mon travail là, sonore. Donc, ça traduisait ces événements inattendus qui arrivent quand on se met quand on est disposé à les faire advenir dans une espèce de condition d'ouverture et où on est prêt à capter ces petits détails-là qui ne nous apparaissent pas si on n'est pas attentif à ce qui nous environne. Évocation de voix, off même dans la construction de ce voyage sonore. Et il y a des voix poétiques aussi, on reconnaît la tienne, mais je crois qu'il y a d'autres voix dans cette construction. Oui, en fait, j'ai souvent fait, cette année-là particulièrement, j'ai fait beaucoup d'allers-retours Montréal-Québec. Donc, quand je faisais le trajet avec des gens, j'enregistrais les discussions qu'on avait autour, tout le long du trajet. Puis ensuite, j'ai fait un découpage, j'ai choisi des moments. Il y a des moments où, justement, on parle de la route qu'on est en train de traverser, on pense qu'on va manquer d'essence. Et tout ça, c'est des moments véritables qui sont arrivés. À un moment donné, tu réécoutes, tu fais « Ah oui, c'est vrai, ah, c'est intéressant, ça appuie un peu l'idée de notre trajectoire, notre traversée. » Puis je suis venue, c'est sûr que c'est une pièce qui a pris une couleur très personnelle, ce qui était plutôt rare dans mon travail, où c'était assez collé à ma vie, parce que je suis déménagée de Québec vers Montréal. Et puis la pièce est devenue un peu l'illustration de cette traversée du territoire, de ce déménagement-là, de cette transformation dans ma vie. Et je l'ai ponctuée avec une correspondance que j'ai eue avec quelqu'un pendant cette période-là, où on a fait ensemble la narration de notre correspondance. Des fois, on entend des échos très, de manière assez effacée, c'est pas au premier plan sonore. Donc, c'est ponctué de ça qui est en filigrane. Donc, cette correspondance intime avec cette personne-là. Donc, il y a de ça. Il y a des conversations amicales plus spontanées, moins intimes. Mais bon, alors c'est ça tout au long. Il y a ce rapport-là à l'autre, à la relation dans ce passage d'une ville à l'autre, dans le changement de la vie, finalement. Le pendule. papillon et le pendu. Ça serait pas mal meilleur. Ah oui, ça serait gentil. Ouais, surtout quand on conduit. Ben, moi, je trouvais que c'était un projet un peu synthèse parce que j'ai toujours fait, depuis le début de ma pratique, je faisais des pièces monobandes pour casque d'écoute particulièrement. J'avais jamais travaillé l'espace tridimensionnel du son. Et puis là, je me sentais quand même arrivée un peu au bout de cette idée-là de monobande. J'avais envie d'en faire une qui serait un peu, qui rassemblerait toutes les préoccupations qui m'ont animée, tout ce qui a construit aussi les pièces, mes dernières pièces, bien, toutes les pièces que j'ai pu créer. Donc, j'ai même repiqué certains extraits des pièces que j'ai créées depuis 2011 pour les intégrer à cette pièce-là. Donc, pour moi, c'est un projet un peu synthèse où j'arrivais, c'est ça, au bout d'une exploration et que ça allait peut-être pas la dernière à tout jamais, mais pour présentement, qui marquait la fin de ce travail de monobande parce que, justement, j'étais en train de travailler sur une installation qu'on est dans l'opposé, c'est une spatialisation sur 12 haut-parleurs, donc un autre projet qui s'intitule L'herbier de son, qui est dans un tout autre univers. Mais pas tant que ça, il y a des oiseaux quand même et tout ça. On est dans la nature, mais le traitement, mon rapport au son et à l'espace est différent. C'est moins cinématographique dans la linéarité, moins proche du récit expérimental, parce que là, dans Ici, jaillissent les oiseaux, on est vraiment dans une forme de... moi, je disais un road movie sonore, mais très expérimental, où il n'y a pas de vraiment une narrativité. Il y a une dramaturgie qui se crée par les assemblages de sons puis l'espèce de progression qu'il y a dans l'histoire interne que je me suis fait avec ça, mais qu'on interprète, qui est très ouverte, donc... Quel serait le meilleur mot? C'est un peu une question piège. Là. Quel serait le meilleur mot pour décrire ce transit, cette migration Québec-Montréal, Montréal-Québec, sur le plan sonore? La rencontre qui amène une forme d'affranchissement, un jaillissement de nouveauté. Il y a quelque chose... L'idée de jaillir... C'est pas naïf, le choix du mot « jaillir », là. Parce que moi, je le voyais, en tout cas, pour la petite histoire, je ne sais pas si ce sera... C'était vraiment le rapport à l'affranchissement. C'était aussi l'affranchissement de tout ce dans quoi on s'enferme des fois dans la création, où on reprend toujours les mêmes chemins. À un moment donné, je me suis sentie enfermée dans une manière de faire qui me menait toujours à une monobande, qui ont toutes des filiations assez proches, où des fois, je me dis, écoute, je suis toujours en train de refaire le même projet. Donc, cette idée d'affranchissement-là, ça se manifeste sur le plan du travail artistique à proprement dit. Là, j'en fais une évocation de ma vie personnelle, mais ça c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'affranchissement en lien avec ma pratique du son que j'avais envie d'amener plus loin, de déployer techniquement, artistiquement avec le son qui est ma matière première, dans le fond. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous retrouverez le détail des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com et je vous invite à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. L'accroche-oreille vous a été présenté par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.